c'est de toi que je rêve la nuit, mon amour. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. Ses peines, ses joies, ses folies.